Et l'auteur dit, Mohamed Ibn Ibrahim, un des rapporteurs du hadith, a dit dans son hadith qu'il rapporte, et qul huwallahu ahad, c'est-à-dire qu'il a rapporté dans son hadith, en plus de Ayat al-Kursi, de dire qul huwallahu ahad. Et je ne sais pas pourquoi l'auteur a mis cet ajout dans son livre, car Cheikh l'Albani rahimahullah a considéré que cette version était faible. Cheikh l'Albani rahimahullah dha'afa hadhihi ziyada. Et la preuve sur le fait de dire qul huwallahu ahad après chaque prière, elle se trouve dans un autre hadith. Elle se trouve dans le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, qui dit amarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aqra al mu'awwidhat dubura kulli salah. Uqba ibn Amir, comme le hadith est rapporté dans Sunan Abi Daoud, authentifié par Cheikh l'Albani rahimahullah, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de réciter al mu'awwidhat à la fin de chaque prière. Et al-mu'awwidhat, qui connaît la définition de al-mu'awwidhat? Non? Qu'est-ce que le mu'awwidhat dans le hadith? Les protectrices. Et quelles sont-elles? Elles sont? Non? Qul a'udhu bi rabbi falaq et qul a'udhu bi rabbi nas. Maintenant, quelle est la preuve de qul Allahu ahad? Si tu me dis que al-mu'awwidhat, les protectrices, c'est qul a'udhu bi rabbi falaq, qul a'udhu bi rabbi nas. Quelle est la preuve qu'il est légiféré de dire qul huwallahu ahad après les prières? Mu'awwidhat, c'est le jama'. C'est? Donc c'est un jama'. Al-mu'awwidhat, c'est un jama', c'est pas un. Non. C'est pas un duel, donc. Ahsan, al-mu'awwidhat, c'est pas un duel. Là, Uqba ibn Amir a dit amarani rasulullah sallam an aqra al-mu'awwidhat. Les protectrices, mais il a dit au pluriel. Il n'a pas dit al-mu'awwidhatayn. D'accord. Mais ça, ça ne prouve pas que qul huwallahu ahad, ça rentre dedans. Non, ça ne prouve pas totalement. Quelle est la preuve que qul huwallahu ahad rentre dans le mu'awwidhat? Avant de dormir. Ahsant. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par al-Bukhari, hadith de Aisha radiallahu anha, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à dormir, kana yaqra'u al-mu'awwidhat wa yanfuthu fi Fiyadei, que le prophète, lorsqu'il s'apprêtait à dormir, il lisait al-mu'awwidhat et insufflait sur ses mains. Ça, c'est un hadith de Aïcha rapporté par al-Bukhari. Il y a un autre hadith de Aïcha rapporté par al-Bukhari qui vient expliquer tout cela. Lorsqu'elle dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قرأ بقول هو الله أحد والمعوذتين ثم نفث. Un autre hadith de Aïcha rapporté par al-Bukhari qui dit que lorsque le prophète s'apprêtait à s'endormir, à dormir, il lisait qul huwallahu ahad et les deux protectrices et insufflait sur ses mains. Les savants ont déduit, parmi le Hafiz ibn Hajar et d'autres, que al-Mu'awwidhat rapporté dans le hadith de Aïcha, elle l'a expliqué elle-même en disant qul huwallahu ahad et les deux protectrices qui sont qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Et dans le hadith de Uqba ibn Amir, lorsque le prophète lui a ordonné de réciter al-mu'awwidhat, donc les savants en ont déduit que al-mu'awwidhat dans le hadith de Uqba ibn Amir, c'est qul huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq et qul a'udhu bi rabbin nas. Vous voyez la réflexion qu'il faut faire pour en déduire que qul huwallahu ahad doit être dit, qu'il est légiféré de le dire après chaque prière. طيب سابعا وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. Donc là le cheikh l'a cité par la suite ce hadith de عقبة بن عامر. ثامنا وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Donc la huitième invocation, c'est